Rebonjour à tous. Nous sommes donc toujours le vendredi 17 juin, 109 mars. Et nous allons donc vaillamment ouvrir cet après-midi qui sera composé de deux discussions. Donc la première à 17h, donc maintenant. La commission Monnaie et Gérard va nous parler de l'état actuel des banques. Et ensuite, à 18h, Nils nous parlera des politiques possibles. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Plus il y a de monde, plus c'est chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que voilà, si vous êtes motivé, disponible, plein d'énergie pour nous aider pour l'organisation, n'hésitez pas aussi. Si vous avez des interventions à proposer, on accepte tout sujet d'intervention, que ça soit des interventions sur un savoir théorique, plus pratique, une expérience. Un projet, une idée, voilà, on est là pour vous accueillir. Donc du coup, Gérard va nous parler de l'état actuel des banques. Merci. Alors nous avons aujourd'hui monsieur Bertrand Fouché, voilà. C'est pas mon cousin, c'est pas mon frère, c'est le hasard qui nous a mis là. Mais bon, c'est rigolo. Salut. Voilà Jules. Donc je vous donne quelques petits tracts, quelques petits papiers magiques sur lesquels vous pouvez lire la question qui tue, mais pas la réponse. Pas la réponse, justement, nous allons essayer de la trouver ensemble, la réponse à la question qui tue, à savoir qui émet et qui crée la monnaie. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui n'auront jamais un sou dans leur poche. Moi, j'en fais partie, personnellement, j'ai pas de honte à le dire. Et il y a d'autres gens qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire l'année prochaine, acheter un troisième château ou un quatrième yacht. Et donc, on va essayer de se poser ces questions-là, de savoir qui émet et qui distribue la monnaie. Parce que s'il y a quelqu'un dans la société qui a le pouvoir de créer de la monnaie, ça veut dire qu'il peut avoir de la monnaie sans rien foutre. Bon, alors moi je suis bien placé pour parler de ça, parce que mon rêve depuis que je suis tout petit, c'est de faire fortune sans rien foutre. Et donc j'ai bossé toute ma vie, j'ai monté des entreprises, j'ai fait du business, du commerce, et je me suis aperçu assez vite que si on essayait de gagner des sous et de faire fortune en travaillant, ça marchait pas très bien. Et donc quand j'ai vu la crise en 2008-2009... On les a déjà. Tout le monde l'a eu ? Ah, monsieur, il n'a pas eu. Quand j'ai vu la crise en 2008-2009 et que j'ai vu qu'il y avait des gens en pleine crise qui crevaient de faim sur les trottoirs, dans des cartons, qui se suicidaient, qui se faisaient piquer leur maison, et d'autres gens dont le souci principal, c'était justement de savoir quel château ou quel yacht ils allaient s'acheter l'année prochaine, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc. Attends, ça fait 40 ans que j'essaye de faire fortune sans rien foutre et apparemment, il y a des gens qui gagnent de l'argent en dormant. C'est pas normal, il y a un truc. Et donc j'ai commencé à étudier ça comme on étudie, je sais pas, un tour de magie par exemple. Je me suis dit, bon, mon raisonnement, vous allez voir, a été très complexe. Je me suis dit, s'il y a des riches et des pauvres, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont plus d'argent et d'autres qui ont moins d'argent. Hein ? C'est compliqué comme raisonnement. Et je me suis dit, s'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, qui sont très, très riches, c'est parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de monnaie. Et s'il y a des gens qui sont très, très pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas du tout de monnaie. Et donc, évidemment, je me suis mis à étudier la monnaie. Et je suis devenu un monomaniaque de la monnaie. Ça a commencé en 2009 et je continue. À chaque fois que je vois un livre sur la monnaie, je l'achète. J'en ai 4 mètres déjà de livres sur la monnaie. J'ai regardé toutes les vidéos sur Internet. J'ai rencontré des mathématiciens, des économistes, des ingénieurs qui m'ont expliqué vraiment, des banquiers aussi, qui m'ont expliqué vraiment comment fonctionnait la monnaie. Et quand j'ai commencé à comprendre comment fonctionne la monnaie, je me suis dit, nom de Dieu, bah attends, j'ai compris, il y a un truc. Il y a effectivement un truc comptable, un truc politique, un truc légal, un truc très flou qui permet à une certaine catégorie de gens dans la société de se créer de la monnaie ou d'en créer pour leurs amis sans avoir produit quoi que ce soit auparavant, sans avoir travaillé pour produire quoi que ce soit auparavant. Et donc ça crée forcément une dissymétrie fondamentale au sein de nos sociétés, au sein des sociétés de tous les pays du monde, sauf certains, on le verra tout à l'heure dans une seconde, dans le monde entier, il y a une classe d'êtres humains qui crée de la monnaie sans avoir produit auparavant, sans travailler, et il y a tout le reste de la société qui, pour avoir de la monnaie, sont obligés de travailler ou de produire quelque chose. Tout le reste de la société, c'est nous. Et le petit nombre d'êtres humains qui a la possibilité de créer de l'argent sans avoir produit, sans travailler, nous allons voir, nous allons essayer de nous poser la question. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit tract et c'est pour ça qu'on fait cette intervention cet après-midi. Donc il y a 20 minutes de présentation, donc vous allez voir, ça va être vraiment une présentation flash rapide. Donc s'il y a des gens parmi nous qui n'aiment pas les mauvaises nouvelles, vous partez. Vous partez tout de suite. Parce que je vous préviens, je n'ai que des mauvaises nouvelles. Je vais vous apprendre, si vous ne le savez pas encore, que nous sommes dans une situation tout à fait proche de l'esclavage. Pourquoi nous sommes dans une situation tout à fait proche de l'esclavage? Eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage? C'est quand quelqu'un a le droit de vie et de mort sur quelqu'un d'autre. C'est ça, l'esclavage. C'est-à-dire, je peux vous dire, toi, tu vas vivre, toi, tu vas crever. Dans quel genre de société vivons-nous ici dans les grandes urbanisations du monde? Nous vivons dans une société où nous n'avons pas de petits jardins, nous n'avons pas de panneaux solaires sur nos cabanes, nous n'avons pas la possibilité de faire autrement que d'avoir de la monnaie pour acheter le minimum nécessaire, pour acheter nos vêtements, pour nous chauffer, pour nous nourrir. Donc si nous n'avons pas de monnaie, nous crevons de faim. Et il y a des gens qui crèvent de faim dans les villes ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à faire la manche, parce qu'ils ont du mal à avoir les quelques centimes qui leur permettraient de pas crever de faim. Donc, puisqu'il y a quelqu'un dans nos sociétés qui crée de la monnaie et qui la distribue à qui il veut et qui la refuse à qui il ne souhaite pas en donner, eh bien cet individu, cette personne ou ce secteur de l'économie peut décider qui va recevoir de la monnaie et qui ne va pas en recevoir. Et donc ça, c'est un élément essentiel de l'asservissement que nous subissons tous. Parce que si nous ne sommes pas d'accord pour nous soumettre aux créateurs de monnaie, c'est-à-dire travailler directement ou indirectement pour ce secteur particulier, eh bien nous n'avons pas le moyen de rester en vie. Et donc si ce secteur de l'économie ou si ce personnage extraordinaire nous dit « toi tu n'auras pas de monnaie », eh bien il a le pouvoir de nous laisser crever. C'est ça l'asservissement. C'est pour ça que ce que nous vivons en ce moment, c'est un véritable esclavage. Alors, la question qui tue, c'est ça. Savez-vous qui émet et qui distribue la monnaie? Alors, il y a quatre, c'est un QCM, il y a quatre possibilités. 1, l'État. 2, la banque centrale. 3, les banques ordinaires. 4, les citoyens. Là, on est 40. Qui pense que dans une société normale, en France, en Europe, aux États-Unis, à la réponse qui émet et qui distribue la monnaie, c'est l'État. Levez la main. Oh ben voilà, tiens, mon cousin là. Monsieur porte le même nom que moi, c'est bizarre. Donc je vais l'appeler mon cousin pendant toute la présentation. Et donc il est d'accord. Et donc c'est l'État. Monsieur dit c'est l'État. Alors vous voyez que j'ai bien fait de venir. Alors monsieur dit, alors qui pense que c'est la Banque Centrale? Levez la main. Ah ben regardez-moi ça, il y a plein de monde. Oh ben la Banque de France, tiens, encore mieux. J'ai vraiment bien fait de venir. Je vous assure, si vous n'aimez pas les mauvaises nouvelles, partez, hein. Bon, là, vous êtes assis, mais les autres, je vous conseille de vous asseoir aussi, parce que sinon, vous allez tomber. Qui pense que ce sont les banques ordinaires? Levez la main. Donc, les redoublants, là, je vous ai repéré. Donc, motus, on n'a franchi pas les nouveaux les premières années. Hein, d'accord? Et qui pense que ce sont les citoyens? Levez la main. Personne, évidemment, c'est normal. Donc, les gens qui n'ont pas eu le petit papier, vous le prenez. Parce qu'en bas, il y a les coordonnées pour m'acheter mon livre. Donc, si vous voulez m'acheter mon livre, c'est marqué en bas du petit tract. Donc, je vous en supplie, prenez-le, quoi, parce que vraiment, je suis à moins 1500 en ce moment. Donc, alors, on y va pour les mauvaises nouvelles, comme il faut faire du raccourci aujourd'hui. Savez-vous, la deuxième question qui tue, là, on condense. Savez-vous, quand quelqu'un se présente dans une banque pour prendre un crédit, je pars sur le crédit, donc je pars sur la dette, donc je quitte un peu la monnaie, mais vous allez voir que non, la monnaie est parfaitement liée, est intrinsèquement liée au crédit et à la dette, et même à plus que ça. Mais en tout cas, Savez-vous répondre à cette question-là? Écoutez bien, c'est une question importante. Quand quelqu'un se présente dans une banque pour prendre un crédit, par exemple pour acheter une maison à 100 000 euros, la personne a donné son dossier, tout ce qu'il faut pour avoir un crédit de 100 000 euros, elle se présente à la banque. À l'instant où cette personne-là, qui sait qu'elle va repartir avec 100 000 euros, qu'elle n'a pas sur son compte, évidemment, sinon elle n'irait pas chercher un crédit, elle a zéro sur son compte, cette personne-là, et elle va à la banque chercher un crédit de 100 000 euros. Son banquier, d'accord, il n'y a pas de problème, il va lui mettre 100 000 euros sur son compte. Cette personne-là, au moment où elle pose sa main sur la poignée de la porte de la banque pour entrer, pour prendre son rendez-vous et pour recevoir ses 100 000 euros de crédit, cette personne-là, au moment où elle pose sa main sur la poignée de la porte de la banque, où sont les 100 000 euros? Voilà, je vous pose la question. Ils sont toujours dans la banque? Ils sont toujours dans la banque, ils sont déjà dans la banque, évidemment. Dans les petits cochons qui sont dans le sous-sol. Évidemment, tout le monde le sait. Vous êtes par doublon? Vous avez répondu quoi à la question qui tue? L'État, la banque centrale, les banques ordinaires? Non, bah alors je vous demande pas à vous. Voilà. Faut leur laisser le plaisir de la découverte, comme ça ils vont tomber tous assis. Donc, quand une personne se présente dans une banque pour prendre un crédit, les 100 000 euros, ils sont nulle part. Ils sont nulle part. Un crédit, une banque, le métier de la banque, ça n'est pas de recueillir les dépôts des épargnants pour les prêter à des emprunteurs. Le métier d'une banque, c'est de créer des crédits par une inscription comptable, de créditer les comptes des emprunteurs, qui ne sont en réalité pas des emprunteurs, vous allez voir pourquoi. Et une fois que ces comptes sont crédités par le crédit envers un client, à ce moment-là, ce crédit revient en dépôt dans les comptes d'une autre banque ou de cette banque-là. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? Tout le monde croit que ce sont les dépôts des gens qui ont déposé de l'argent dans la banque qui sont utilisés par la banque pour faire crédit aux autres. Eh bien non, c'est le contraire. C'est le contraire. La banque fait d'abord un crédit à quelqu'un, elle crée de la monnaie qui n'existait pas la seconde d'avant, elle crédite le compte du client, et ce client-là, si c'est quelqu'un qui a pris un crédit de 100 000 euros pour acheter une maison, pour se faire construire une maison, ces 100 000 euros-là, elle ne va pas les garder sur son compte, elle les dépense au maçon qui va construire la maison, au vendeur de la maison, elle les dépense au plombier ou au carreleur qui va construire la maison, et cet argent, une fois qu'il a été crédité par la banque sur le compte du client, eh bien il revient en dépôt sur le compte des artisans qui construisent la maison. Donc ce ne sont pas les dépôts des épargnants qui permettent les crédits qui vont aux gens qui ont besoin d'argent tout de suite, ce sont au contraire les crédits qui sont émis à partir de rien, c'est-à-dire ex nihilo. Ex nihilo, c'est du latin, ex nihilo, à partir du néant, nihil, nihil, le nihilisme, annihiler, ça veut dire rien. Donc les crédits sont créés à partir de rien et sont crédités sur les comptes des clients, et après les clients, quand ils dépensent leur argent, ça revient en dépôt dans la banque. Donc ce ne sont pas les dépôts qui font les crédits, mais les crédits qui font les dépôts. Moralité, quand vous êtes banquier et que vous avez des copains qui ont besoin de pas 100 000 euros, mais qui ont besoin de 10 milliards d'euros, pour construire par exemple des antennes, pour couvrir la France d'antennes téléphoniques et permettre de trouver des abonnés qui vont procurer à cette entreprise-là une manne incessante de revenus. Si vous avez besoin de, si par exemple vous êtes opérateur téléphonique et que vous avez besoin de 10 millions d'euros, je sais que vous allez vendre plein d'abonnements à des millions de gens, donc je sais que vous allez me payer l'intérêt sur l'argent que je vais vous créer à partir de rien. Et que je vais pouvoir m'en mettre plein les poches alors que j'ai rien produit, que j'ai pas travaillé. Donc je vous fais asseoir dans mon bureau, et à l'instant où vous posez la main sur la porte, sur la poignée de la porte de ma banque, les 10 millions d'euros, ils n'existent pas. Vous ne les avez pas sur votre compte de votre entreprise. Quand vous vous asseyez, je prends mon doigt et je tape 10 millions d'euros que je rajoute en appuyant sur la touche Enter sur votre compte. À partir de là, vous avez vos 10 millions. Vous pouvez construire vos antennes, vous pouvez trouver des abonnés et vous pouvez me payer. Alors forcément que dans un système comme ça, vous imaginez bien qu'il y a une collusion permanente et instantanée et naturelle entre les gens qui créent la monnaie à partir de rien et les gens qui ont besoin de capitaux immenses. La racine de ce qu'on appelle le capitalisme en ce moment, on entend beaucoup parler ici sur Nuit Debout de « il faut abolir le capitalisme, il faut abolir la propriété privée des moyens de production ». Bon, d'accord, C'est une bonne chose. Mais comment croyez-vous que les capitalistes ont acquis la propriété privée des moyens de production ? Ben, quand vous avez des copains banquiers qui peuvent vous créer de la monnaie autant que vous avez besoin sur votre compte, c'est très facile d'acheter des antennes, d'augmenter votre capital, d'augmenter vos moyens de production. C'est normal, il n'y a pas besoin de travailler avant. Il suffit de demander un crédit aux copains. Donc c'est comme ça que ça marche. Nous sommes dans une société où nous sommes en présence d'un anti-capitalisme. Parce que qu'est-ce que c'est le capitalisme à la base ? Eh bien c'est de dire, voilà, moi j'ai une machine, moi j'ai du savoir-faire, toi tu as du savoir-faire et toi tu as un local. Eh bien on fait une société ensemble, tu apportes tes machines, j'apporte mon savoir-faire, tu apportes ton local et on se regroupe, on apporte en capital ce qu'on a, nos économies ou nos savoir-faire et on se regroupe pour partager les bénéfices de notre entreprise en commun. C'est ça le capitalisme. Mais franchement, s'il y en a un de nous trois qui peut se rajouter des chiffres sur son compte en banque, est-ce que vous pensez que ça correspond à la libre entreprise et au capitalisme ? Ben non, c'est une arnaque. Ça n'a rien à voir. Donc nous sommes en présence. Et bon, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, mais attendez, mais personne n'est au courant de tout ça. Si, ça commence à monter sérieusement dans la conscience quand même mondiale. Hein. Il y a quand même pas mal de temps qu'on en parle. Environ 80 ans, depuis la crise de 1929, il y a beaucoup d'économistes qui analysent ce système-là et qui nous disent « attention, ce système a des conséquences ». La première conséquence, c'est de regrouper l'argent et le pouvoir dans les mains des créateurs de monnaie et de leurs amis. La deuxième conséquence, c'est d'augmenter les inégalités dans notre société, parce que évidemment, si vous avez un petit peu trop d'argent, vous allez voir le banquier et vous lui dites, bah tiens, tu vas me donner un petit intérêt, puisque tu t'en mets plein les poches avec l'argent que tu as créé à partir de rien. Donc évidemment, nous, comme on se fait avoir par la création monétaire qui dilue notre épargne, on essaye d'avoir un petit 1%, un petit 2%. Du coup, on est complice sans le savoir. Et du coup, évidemment, ceux qui ont un petit peu trop d'argent, ils s'enrichissent aussi, sans rien faire. Moins que les banquiers, mais ils profitent un peu du système. Donc les riches s'enrichissent. Par contre, nous qui sommes pauvres... Par contre, nous qui sommes pauvres, et quand on a ici des gens qui sont à découvert à partir du 15 du mois, et ben entre le 15 et 30, vous payez 17% d'intérêt. Donc nous sommes dans un système où plus t'es riche, plus t'es pauvre, plus t'es pauvre. Alors évidemment... Alors, on va donner la parole à monsieur. C'est moi qui garde le micro. C'est toi qui as le pouvoir, et moi j'obéis. C'est ça la démocratie. Pour l'instant, la discussion, c'est à 40 minutes. C'est toi qui as le pouvoir, et moi j'obéis. Voilà, moi je fais une présentation de 20 minutes et après on a la discussion. Donc vous aurez la parole. Hein ? Sauf si monsieur a une question à poser tout de suite. Alors, combien ici, autour des 30 personnes qui sont là, sont prêts à se dire à la fin, j'aurai pas de fiche de paye, ma paye ce sera la rémunération du risque que j'ai pris en mettant de l'argent dans une entreprise ? Qui accepte ici de ne pas avoir de fiche de paye à la fin du mois et de ne pas savoir combien il a gagné ? Non, la question, j'ai pas compris la question non plus. Non, je vais reformuler la question pour que tout le monde comprenne, parce qu'ils n'ont pas compris. Je rappelle juste le cadre des échanges, d'accord ? Donc la bienveillance. Est-ce que c'est possible que je parle, s'il vous plaît ? Non, j'aimerais bien finir de parler et après je vous laisse poser votre question. Donc je rappelle le cadre des échanges, c'est la bienveillance qui fait loi ici. Toutes les paroles peuvent être entendues, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai proposé le micro, monsieur, et que vous avez pu poser votre question. Donc, alors simplement... Monsieur, simplement, je vous redonne le micro, mais si c'est pour hurler dans le micro et ne tolérer aucune réponse, c'est pas possible. Donc, est-ce que c'est possible de poser votre question calmement ou pas ? Ok, allez-y. La différence entre un salarié qui est sûr, en effet, il va trouver un patron, un méchant capitaliste, qui va dire à la fin, je veux un salaire en échange de mon travail. La différence entre un salarié qui va trouver son patron en disant, à la fin du mois, je veux une fiche de paye avec un salaire. Et le patron qui prend des risques, c'est que à la fin du mois, le patron, il n'est pas sûr d'avoir de fiche de paye. Parce que s'il n'a rien vendu, il n'a pas de chiffre d'affaires, il n'est pas payé. Combien ici sont prêts à échanger la sécurité d'un salaire contre le risque de n'avoir rien à la fin du mois pour manger ? C'est la seule le seul objet de ma question. Combien sont prêts à dire à leur femme, à leur enfant, à la fin du mois, je ne suis pas sûr que j'aurai de quoi vous acheter à manger? C'est un choix, j'ai pas besoin du micro, c'est un choix où vous êtes un joueur et vous prenez ce risque, ça fait partie des risques de la société, et ça, à partir du moment où c'est le risque que vous prenez, vous êtes en droit de pouvoir penser que soit vous allez faire de gros bénéfices ou vous allez vous casser la gueule. Et celui qui veut travailler, celui qui veut vraiment travailler et qui a envie d'avoir une feuille de paye, ça fait partie d'un système, il se protège, il prépare sa retraite, il prépare différentes choses, et de cette manière-là, il a choisi un autre choix, il a fait un autre choix. Alors, c'est comment votre prénom ? Éric. Éric. Je suis parfaitement d'accord avec Éric. Attends. Alors, simplement, monsieur, on va arrêter là. C'est bon, merci de votre intervention. Ce que je vous propose, si ça convient à tout le monde... Éric, non, mais reste là. Bon, alors ce que je propose, si ça va à tout le monde, c'est qu'on laisse simplement Gérard finir ce qu'il avait à dire, et après on ouvre le débat et toutes les questions sont les bienvenues. Voilà, il n'y a pas de censure. Merci Eric de nous avoir fait un si beau public. Donc, ce que je voulais dire, mais c'est dommage qu'il soit parti parce qu'il n'aurait pas, il l'entendra pas. Ce qui est intéressant, c'est que Eric a raison. Parce que Eric nous dit quoi ? Il nous dit que, est-ce que vous préférez être salarié par un patron qui prend des risques, ou est-ce que vous préférez, en gros, la question, c'est être patron vous-même et prendre le risque vous-même. Mais c'est pas du tout de ça que je parlais. Je parlais pas des patrons qui bossent 12 heures par jour pour essayer de faire tourner leur entreprise et de payer leurs charges sociales, leurs impôts et leur RSI. Je parlais d'une toute autre catégorie de la société, des gens qui n'ont pas besoin de monter d'entreprise, qui n'ont pas besoin de travailler, qui n'ont pas besoin de produire quoi que ce soit, et qui ont de l'argent quand même. Le secret dont je suis en train de parler, c'est le secret bancaire. C'est pas le secret bancaire qui consiste à aller cacher son argent à l'étranger, c'est le secret bancaire qui consiste à ce que personne ne comprenne que vous créez de l'argent sans avoir produit quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Après, derrière, s'il y a des patrons qui décident de se regrouper, comme je disais tout à l'heure dans l'exemple du vrai capitalisme, vous avez du savoir-faire, vous avez du capital ou vous avez un local, vous vous regroupez avec des amis et vous devenez patron tous les trois. Vous prenez un risque puisque vous mettez en jeu votre local, votre savoir-faire ou vos économies. Mais là, c'est pas du tout de ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui a la possibilité de vous dire: vous avez besoin d'acheter un immeuble là-bas, à Paris. J'ai besoin d'acheter un immeuble ici, au coin de la rue, pour mettre les locaux de ma banque. Comment je fais pour l'acheter? J'ai pas besoin de gagner de l'argent avant. Je vais voir le vendeur de l'immeuble. Je vais chez le notaire. Je signe l'acte de vente. Donc j'ai l'acte de propriété. S'il y a des gens dans la salle qui sont sur la place, qui sont comptables, vous allez comprendre tout de suite. Je prends l'acte de propriété de l'immeuble que j'avais envie d'acheter, je le mets à l'actif de mon bilan, et au passif, j'ouvre un compte au vendeur parce que je suis banquier et que c'est moi qui gère les comptes de tout le monde, et je rajoute 15 millions le prix de l'immeuble au passif de ma comptabilité, en tapant 15 millions sur mon clavier. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Ça n'a rien à voir avec des patrons ou des associés qui se regroupent pour prendre des risques et créer une entreprise. Ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que vous voyez la différence, oui ou non? Bon, donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ça. C'est pour ça qu'il faut se poser la question: comment fait le secteur bancaire pour créer de la monnaie? Comment fait le secteur bancaire pour endetter le monde entier? Vous allez chercher un crédit à la banque, le banquier rajoute de l'argent sur votre compte en banque, de l'argent qu'il n'a pas. C'est pas un prêt. Un prêt, c'est quand je te prête mon vélo. J'ai plus de vélo, t'as un vélo en plus. Là, c'est pas un prêt, puisque quand une banque rajoute de l'argent pour faire un crédit à un client, la banque n'a rien en moins. L'argent ne vient de nulle part. C'est de l'argent en plus qui vient dans l'économie. Donc pour en revenir aux conséquences de ce système-là, croyez-moi, il y en a des conséquences. La première conséquence, c'est que les gens qui ont un petit peu trop d'argent s'enrichissent sans rien faire parce que le banquier leur donne une petite partie de son butin. Et les gens qui sont pauvres, qui sont à découvert à partir du 15 du mois, ceux deviennent de plus en plus pauvres parce que c'est eux qui payent le plus cher des intérêts. On est dans une société où qui que nous soyons, que nous soyons patrons, salariés, nous tenons à notre emploi. Si nous sommes patrons, nous tenons à notre entreprise parce qu'effectivement on a pris des risques pour la créer. Eh bien dans tous les cas, nous avons tous collectivement une dette envers le secteur bancaire. Est-ce que vous croyez pourquoi est-ce que tous les pays du monde sont endettés à votre avis? Ils sont tous endettés, tous les pays du monde. Pourquoi? Ils sont endettés auprès de qui? Auprès de Jupiter? Ben non, tous les pays du monde sont endettés auprès du secteur bancaire qui crée la monnaie par la dette. Nous tous, agents non bancaires, c'est le nom officiel qu'utilisent les économistes, nous tous, agents non bancaires ANB, collectivement, nous sommes tous endettés auprès du secteur bancaire. Donc nous devons rendre le double tous les 20 ans à 2 ou 3% d'intérêt. Faites le calcul, la quantité de monnaie, elle reste à peu près constante dans l'économie quand elle n'augmente pas. Eh bien, nous devons rembourser aux banquiers les intérêts sur la totalité de notre masse monétaire qui ne peut être émise que par les banques commerciales. Il n'y a pas d'autre moyen que de la monnaie circule dans l'économie. Si nous avons de l'argent sur nos comptes, c'est soit parce que quelqu'un quelque part a pris un crédit pour avoir cette monnaie et l'a dépensé, du coup on en a tous un petit peu, soit qu'une banque nous a acheté quelque chose et nous a payé par création monétaire sans sortir l'argent de nulle part. C'est ça l'escroquerie fondamentale, c'est ça qui fait que nous sommes dans le caca jusqu'au cou. C'est pour cela que nous sommes tous endettés collectivement, c'est pour cela que tous autant que nous sommes, si nous pouvons trouver un moyen de trouver un produit 3% moins cher en le faisant construire, fabriquer à l'étranger par des enfants, nous le faisons. Pourquoi? Parce que nous sommes pompés par le sommet de la pyramide qui nous oblige à travailler deux fois plus que ce que nous aurions besoin et à être rentables. C'est pour ça que dans une société telle que celle-là, quand nous sommes en compétition avec notre propre frère pour un entretien d'embauche, eh bien nous souhaitons que ce soit notre propre frère qui n'ait pas le boulot et que ce soit nous. Jusqu'au sein des familles, ça crée des inégalités, ça crée des conflits. Et donc, nous allons organiser tout à l'heure, là, dans une heure, un jeu qui s'appelle le jeu de la monnaie, à 19h. Si vous voulez venir, vous pouvez participer, c'est génial. Nous allons expérimenter 4 moyens de tenir nos comptes entre nous. D'abord, ne pas tenir les comptes, se donner quelque chose sans compter. Et deuxièmement, faire du troc, on constate que ça marche pas, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Et troisièmement, on expérimente le système bancaire. Vous allez voir, mais c'est hallucinant. On a un comportementaliste animalier ici qui nous étudie pour voir à quel point les comportements changent selon le système qu'on utilise. Et vous allez voir, expérimentez-le vous-même, vous allez voir que dans le système bancaire, étant donné qu'on est concentré non pas sur les créations de richesses, mais sur le fait d'avoir du pognon pour rembourser le banquier et lui payer ses intérêts, on ne pense plus à la richesse commune. On se tire dans les pattes. C'est la lutte de tous contre tous. Pourquoi? Parce qu'on se fait pomper par le sommet de la pyramide. Et dans le quatrième système qu'on expérimente, un système à crédit mutuel, tout va bien. On fait nos comptes entre nous, on note nos opérations et il n'y a pas à rendre plus de chiffres que ce qu'on a reçu. Donc voilà, informez-vous là-dessus, c'est extrêmement important. C'est le secret de la démocratie réelle. Je termine en 2 minutes parce que là c'est vraiment extrêmement important pour la place de la République ici. La République c'est la chose publique, res publica en latin. Et la chose publique c'est quoi? C'est de faire ça. C'est de se réunir tous ensemble, de s'asseoir en rond et de dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble dans le futur. Comment on va faire pour décider de notre futur commun? Est-ce qu'on continue à faire de l'énergie nucléaire ou est-ce qu'on fait de l'énergie solaire ou autre chose? On s'assoit, on discute et on se met d'accord. Ça, c'est la démocratie. La démocratie, c'est pas voter pour élire le prochain qui va prendre les décisions à notre place. La démocratie, c'est s'asseoir en rond et décider ensemble de ce qu'on va faire. Ça peut être, est-ce qu'on va faire un rond-point au bout de la rue? C'est la même chose. Je vous pose la question, comment on fait si on a mis en place des systèmes de démocratie réelle? Pour prendre nos décisions, on a pris notre décision, on a décidé qu'on allait faire une transition écologique. Mettons qu'on n'est pas là à 40, mettons qu'on est 30 millions, qu'on a un outil pour prendre une décision collective et qu'on décide de sortir du nucléaire et de faire une transition écologique. Comment on fait? Comment on fait pour acheter les panneaux solaires? Comment on fait pour payer les ouvriers qui vont faire de l'isolation? Comment on fait? On n'a pas les cordons de la bourse. On n'a pas le nerf de la guerre. On n'a pas le nerf de la paix. Comment on fait pour financer nos décisions collectives si c'est d'autres qui décident à notre place de ce qui va être financé ou pas? C'est impossible. Donc, je vous le répète, l'élément essentiel, évidemment, c'est la démocratie réelle, mais la démocratie réelle est impossible si nous n'avons pas également le contrôle de la création monétaire, c'est-à-dire le pouvoir citoyen, individuel et inconditionnel, de décider ce qui va exister ou ce qui ne va pas exister. Toi, tu auras des sous, toi, tu n'en auras pas. C'est à nous de le décider chacun individuellement, en notre âme et conscience. Et là, vous pouvez être sûr que là, si on a les moyens financiers de décider chacun pour soi, entre nous, de ce qui va exister dans notre futur commun ou pas, et bien là, peut-être qu'on verra qu'est-ce que c'est que la démocratie réelle, et là, peut-être qu'on verrait le monde que nous voulons créer tous ensemble pour notre futur commun. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va passer aux échanges, aux questions, aux interventions. Donc, qui est-ce qui veut commencer, se lancer? Ouais. Moi, j'ai une question un peu pour tout le monde. Mais il y a plein de monnaies locales qui émergent. Alors, je me dis si en fait on fait créer la monnaie pas par les banques, mais par nous-mêmes en fait, et par un processus qui créerait pas à partir de rien mais à partir d'une vraie richesse, est-ce qu'on arriverait à quelque chose d'un système plus juste? À mon avis, la réponse elle est très simple. Si la création monétaire c'est le fait de dire on va créer du crédit, on va créer de la monnaie et on va faire quelque chose ensemble. Pour l'instant, qui décide où va l'argent, où va pas l'argent? C'est le banquier. C'est un banquier, tous les matins, il s'assoit à son bureau, il a deux piles de dossiers, il a tous les dossiers des investisseurs et des spéculateurs qui veulent de l'argent pour gagner de l'argent, et il a tous les dossiers des jeunes, des innovateurs, des inventeurs, tous les dossiers des gens qui veulent vraiment changer le monde. Par exemple, il hésite entre un dossier où il faut 1 million pour acheter un immeuble à Paris à un mec qui en a déjà 10, et il faut 100 000 euros ou 10 000 euros à un jeune pour louer un garage et inventer le truc qui va changer le monde dans 10 ans. Le banquier, il n'hésite pas. Il fait son boulot, loyalement, honnêtement. Il protège son job, il protège sa famille, il protège son employeur. Il prête à l'investisseur ou au spéculateur. Il n'a aucune raison de prêter à un gamin dont il ne comprend absolument pas le projet. Donc nous sommes face à un monde où c'est chaque banquier individuellement au niveau microéconomique qui crée tous les matins le futur que nous voulons ensemble. C'est pas le futur que nous voulons, c'est le futur qu'il veut lui. Et le futur qu'il veut, il le fait en fonction de ses patrons. Donc on est coincé. Donc évidemment, la création monétaire, c'est pas une question de quantité, c'est pas une question de choix, c'est une question de symétrie. Si quelqu'un décide à la place de chaque citoyen ce qui va être fait avec la monnaie nouvelle, et que chaque citoyen n'a pas la même part identique, équitable, universelle et inconditionnelle de monnaie pour décider ce que lui voudrait financer, on n'est pas dans la symétrie. Donc on n'est pas conforme à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Les humains sont libres et égaux en droit. Si on n'a pas le droit individuellement d'être libre et d'être équitable avec tout le monde, c'est-à-dire de décider de financer ce qu'on veut ou pas, il faut le dire. Il faut le dire clairement. Et à ce moment-là, il faut dire, voilà, nous on a un projet où les humains ne sont pas libres et égaux parce que c'est moi qui décide ou c'est un petit groupe de gens. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, Gérard, je t'ai posé une question avant qu'on commence. Est-ce que tu as trouvé la réponse? Tu veux que je la répète? La question, c'est pourquoi quand on va à l'étranger, on ne peut pas changer des euros contre des dollars, par exemple? C'est ça la question? On peut toujours changer une monnaie avec du papier, mais vous allez recevoir la moitié. Si vous allez à un bureau d'échange avec plein de pièces et vous dites d'accord, que ce soit la Malaisie, que ce soit n'importe quel pays, on vous les prend, mais vous aurez la moitié de sa valeur, dans le meilleur des cas. Avec 1 dollar, n'importe quel pays du monde, vous présentez 1 dollar, on vous donne l'équivalent de la monnaie locale, suivant la cotation, en échange d'un billet d'eux. Allez-y avec 1 euro, vous n'aurez rien. À la place, vous aurez quelques pièces peut-être, ma qui ne vaut pas grand chose. Allora, qu'est-ce qui a décidé cela? Et depuis quand la monnaie n'est plus reconvertible en or? Voilà, merci. Ah oui, donc si la question c'est pourquoi les monnaies sont plus convertibles en or, c'est parce qu'il n'y a plus de taux de change entre les monnaies et l'or. Déjà, depuis 1971, la dernière monnaie c'était le dollar, et là maintenant il n'y a plus aucune équivalence entre le dollar et l'or. La deuxième question c'est comment ça se fait que si on a des euros, on reçoit que la moitié. Moi, dans mon expérience, je suis allé dans pas mal d'endroits du monde, à chaque fois j'avais le cours de change, moins la commission du changeur, évidemment. Et dans l'autre sens... Si vous allez avec des dollars dans n'importe quelle partie du monde, vous recevez, d'après ce que vous nous dites, le véritable équivalent du taux de change. Bon, c'est peut-être vrai que si vous allez dans un pays très lointain avec des euros ou avec une autre monnaie, peut-être qu'ils vont préférer que vous leur donniez des dollars et que le taux de change sera peut-être meilleur. Pourquoi ? Parce que le dollar, c'est la monnaie mondiale et que les États-Unis imposent l'usage de leur monnaie dans tous les pays du monde parce que, vous regardez la carte des bases militaires dans les pays du monde, des bases militaires américaines, il y en a vraiment dans tous les pays. Et souvent plusieurs. Donc évidemment, c'est une opération de conquête, de contrôle du monde entier. Et un des outils fondamentaux de la conquête du monde par les États-Unis en ce moment, c'est le fait qu'ils ont réussi à obliger le monde entier à utiliser des dollars pour les transactions internationales. Et donc là, on est un petit peu coincé à ce niveau-là aussi. Mais bon, il y a 36 000 solutions. Hein. Alors, je reviens aux questions simples. Je reviens aux questions simples. J'ai l'impression que tu n'as pas répondu à ma question parce que je pense qu'il y a eu un responsable à Bruxelles ou même une commission, etc., qui ont décidé qu'il pouvait très bien renoncer au papier pour ne pas faire de la concurrence au dollar. L'euro, à un certain moment, il valait plus que les dollars. S'il était un billet, cela permettait de l'échanger facilement, d'une part. D'autre part, l'or, c'était insécurité de la monnaie. À un certain moment, depuis qu'on l'a lâché, on a fait comme la déréglementation de tout ce qui est sur la terre, qui permet à une certaine catégorie de personnes de faire n'importe quoi. Voilà. Et la monnaie est traitée comme la dette, avec des comportements qui n'ont rien de rigoureux. Merci pour cette présentation. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions ? Ah, Kevin de la commission économie politique. Si on récupère la capacité monétaire, la souveraineté monétaire, on en fait quoi ? Parce qu'une fois qu'on a ça, on peut partir dans des politiques de désinflation compétitive ou de la création monétaire et ça n'arrête pas le problème de l'exploitation, l'aliénation et des structures de domination capitaliste. Les structures de domination capitaliste, comme on l'a dit un petit peu au début, là, mais peut-être que Kevin n'était pas là, elles existent parce que effectivement il y a des rapports de force entre le patronat, les ouvriers, entre etc. Au-dessus de tout ça, c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier dans l'analyse économique, c'est que au-dessus de tout ça, il y a des gens bien au-dessus qui n'ont pas besoin de créer des entreprises, qui n'ont pas besoin d'exploiter qui que ce soit pour exploiter tout le monde. C'est en particulier le secteur de la banque et de la finance, qui a la capacité de créer de la monnaie sans avoir produit auparavant. C'est ça le truc fondamental. Donc évidemment, si vous avez accès à cette création de monnaie, ça vous permet d'acheter des usines, d'acheter les entreprises, d'acheter les immeubles, de payer d'acheter les médias, d'acheter les politiciens, et donc de contrôler l'ensemble de l'économie. Donc évidemment, je pense que si on travaille sur la cause racine, qui est la dissymétrie fondamentale entre les créateurs de monnaie et les autres, c'est-à-dire entre un petit secteur de l'économie et tout le reste de l'économie, je pense que si on travaille sur cette cause racine, ça sera intéressant d'observer les effets qui vont se poser en aval. Ceci dit, ça n'empêche pas, vu l'urgence de la situation, de travailler aussi sur ce qui se passe en aval. Et pourquoi pas de faire de la redistribution fiscale, de la réflexion, de l'échange de charges sociales. Et donc là, je vous invite à aller à la commission économie politique où Kevin pourra vous expliquer tout ça vraiment en détail. Attends, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ? S'il n'y a pas de questions, je redonne la parole à Kevin. Ah, il y a une ici. Voilà, moi j'ai un petit problème parce qu'on parle beaucoup du capitalisme, du capital, de tout ce que l'on veut. Je pense que dans une économie, il faut de l'argent ou il faut des moyens. Et il y a une chose certaine, c'est que il y a peut-être des gens qui ont donc un système, mais ça fait partie quand même d'un métier qui fait travailler des gens, qui fait différentes choses. Donc le tout est de savoir si on doit l'accepter ou pas. Donc moi personnellement, je pense que c'est pas tout à fait la question fondamentale actuellement pour arriver à une certaine société qu'on voudrait parfaite. Ça sera très difficile, je pense. Et je voudrais qu'on fasse cette différence justement entre cette possibilité quand même que vous donnez en exemple qu'il faut quand même ce capital et celui qui est créé par des gens qui savent manier ce capital, qui savent manier cet argent. C'est l'objection traditionnelle de quand il y a un centre de prédation dans une société, dans un village, dans une rue, évidemment il y a des gens qui se mettent du côté de ce centre de prédation comme on se rapproche des membres d'une mafia. Donc évidemment ça procure du travail à plein de gens, ça procure de la richesse à plein de gens, et évidemment la mafia en question dépense une partie de son argent dans les sociétés, évidemment. Donc est-ce que la question en fait que vous formulez, c'est est-ce qu'il est convenable, est-ce qu'il est moral, est-ce qu'il est juste que pour tolérer un centre de prédation, nous prenions l'argument de dire oui, mais il crée quand même des emplois. Non, mais c'est pas la question que j'ai vraiment voulu poser, c'est la différence. Alors après, la question d'à côté, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de gens qui décident où va l'argent, où va pas l'argent. Voilà. Donc est-ce qu'on a besoin de gens qui décident où va l'argent, où va pas l'argent? Est-ce qu'on a besoin de gens qui écrivent et qui votent des lois à notre place? Après, c'est une question de choix individuel. Est-ce que vous préférez que ce soit d'autres qui prennent les décisions à votre place, ou est-ce que vous préférez les prendre vous-même? C'est une question fondamentale. Est-ce que tout le monde a envie de les prendre, ces décisions, et s'investir, investir du temps et de l'énergie pour les prendre? Ça, c'est une question fondamentale aussi, qui est très facile, dont la réponse est très facile. C'est que si on distribue la monnaie équitablement à tout le monde, de ce fait même, chacun prend le rôle du banquier. Chacun va pouvoir décider ce qu'il va financer ou pas. Et la première chose à financer, selon l'article 25 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est sa propre vie. C'est le droit de rester en vie, d'avoir un logis et d'avoir de quoi manger tous les jours. Et là, par une distribution équitable de monnaie, au lieu que ce soit une distribution centrée sur un secteur particulier de l'économie, on arrive au concept de revenu de base individuel. Et ce revenu de base individuel, précisément s'il est effectué par création monétaire équitable et symétrique, ce revenu de base, c'est justement ça, la rémunération du citoyen. Parce que comment faisons-nous pour prendre nos décisions si nous sommes obligés d'aller travailler 8 heures par jour juste pour avoir la monnaie qui nous permet de ne pas crever de faim? Évidemment, nous n'avons plus le temps, nous n'avons qu'une envie, c'est de nous mettre devant la télé et de rêvasser. Alors que si la monnaie est distribuée d'une manière équitable, évidemment que, à l'instant même, ayant reçu la rémunération de notre travail de citoyen, c'est-à-dire étudier les dossiers, prendre les décisions, savoir ce qu'on a envie de faire ou pas ensemble, aller au vote, discuter, échanger, s'asseoir et décider ensemble. Et évidemment, ce temps libre-là, il doit être financé. S'il est financé, c'est la rémunération de chacun de nous pour notre travail de citoyen. Et c'est encore un élément fondamental de la transition qu'on est en train de vivre ici même. Ouais, je pensais une seule chose, c'est que la dame elle a parlé d'une chose. C'est, par exemple, pour on parle de la fracture numérique il y a des endroits où il n'y a pas de numérique du tout. Si on décidait, nous tous, de dire on va créer une entreprise qui va gérer le réseau numérique de France pour que tous les opérateurs puissent se greffer sur ce réseau-là, il n'y aurait pas de désert numérique. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas des endroits où il y a des logements, il y a des habitations, il y a des villes où il n'y a pas de numérique. Et de ce fait, il n'y a pas d'entreprise qui se crée là-bas. Parce que ceux qui détiennent les antennes, ils vont les installer là où il y a du monde. Pas là où on va créer, par exemple, dans des villages, on va mettre du numérique alors qu'il n'y a pas d'entreprise. Là, c'est un problème, c'est-à-dire que nous-mêmes, on s'empêche de ce fait, on crée des déserts numériques, mais il y a une pénurie de logements dans des endroits, il n'y a pas d'entreprise, et il y a une économie qui périclite suite à des décisions de capitalistes qui tiennent des antennes. C'est eux qui décident à notre place. Ça, c'est une remarque géniale parce que c'est une comparaison extrêmement intéressante entre la distribution du réseau Internet et la distribution de la monnaie. Pour Internet, en ce moment, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin bon, avant 2000, il y a des gens qui se disaient, mais attends, ça va être génial. On a, au lieu d'avoir chacun un Wi-Fi et de le fermer avec une clé secrète, on va prendre un Wi-Fi dans l'immeuble, on va tous partager l'abonnement et on va se partager le Wi-Fi. On prendra une bande passante un peu plus grande, ça va nous revenir beaucoup moins cher. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Pourquoi ? Parce que bah, on est dans un esprit de centralisation. Si quelqu'un vient nous dire, voilà, vous payez, vous allez payer toute votre vie, bah, on le fait. Mais c'est ça qu'il faut, à quoi il faut commencer à réfléchir, justement. C'est à la décentralisation jusqu'à la personne de la décision et de la monnaie, bien sûr. Pourquoi ? Bah, parce que quand on... Est-ce que, je vais vous poser juste une question qui va peut-être vous donner matière à réfléchir pour ce soir. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a des villes et des campagnes ? Pourquoi est-ce que les gens se concentrent dans les villes ? Il y a plein de raisons. Mais la raison fondamentale, c'est que les villes existent parce que c'est dans les villes que sont regroupés les organes du pouvoir et les organes de l'économie et les banques. Donc évidemment, c'est dans les villes que la monnaie arrive en premier. Et donc on est face à un système de centralisation monétaire qui, écoutez bien, déclenche une géographie de centralisation physique. Et donc on peut se dire également que si nous arrivons à comprendre tous ces phénomènes-là et à dire nous préférons que la monnaie soit distribuée symétriquement entre tous les citoyens sur toute la surface de la planète, pourquoi pas en tout cas du pays, eh bien nous avons l'espoir que l'économie retourne dans les zones désertiques dont vous parliez tout à l'heure, et que nos vies puissent à nouveau se concentrer sur des régions où, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je préférerais être à la campagne que dans une ville. Donc c'est aussi un problème de distribution monétaire. Bonsoir. J'espère que vous avez été attentif au monsieur de tout ce qu'il vient de parler. C'est des paroles sincères, ça vient du cœur, et ce n'est pas des paroles envoyées en l'air comme ça. D'accord, parce que c'est très facile de venir ici, prendre le micro, de parler à des gens et leur dire des mensonges par rapport à ça. C'est vraiment, on n'est pas du même groupe sanguin, quoi. Comme dirait, ça c'est des paroles qui viennent dans ma tête. Donc voilà, maintenant le monsieur ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il y a des jeunes braves, il y a des jeunes dealers, il y a des jeunes qui sont bons à faire chier le monde, quoi, on va dire. Donc, maintenant, moi, ce que je veux dire... Ouais, je sais que je dois me dépêcher, mais voilà, tu vois. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, voilà, vive la France! Vive les gens, vive la République, et à bas les mensonges. On est là toujours pour dire oui, oui, montrer le bon exemple à nos petits-enfants, d'accord, pour pas qu'ils subissent et qu'ils sachent ce que nous, en tant qu'humains, ici, qui vivent la même circonstance que nous. Voilà. On veut le meilleur pour nous tous. Pourquoi ? Regardez, il pleut, mais on est toujours là. Pourquoi on est là ? Parce que la pluie, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de Dieu. Voilà. Que bon Dieu nous bénisse. Et que bon Dieu soit toujours avec nous. Parce que, voilà, moi, je suis bon lézard. Je m'appelle Def. Et je suis là, je suis un vaillant, je suis un brave. Et d'accord. Il y a pas mal de mes amis, ils m'ont fait des choses tordues. Mais il n'y a pas de problème, je leur pardonne. L'essentiel, c'est de pardonner dans la vie. Il faut toujours pardonner dans la vie. Pourquoi faut pardonner dans la vie ? Non, je parle d'un truc de bien. Bah, avant de parler d'un sujet, il faut parler... de ce qu'on sent, de ce qu'on sent, de ce qu'on est, de ce qu'on est là, pourquoi on est là, pourquoi on se présente là, pourquoi on écoute les paroles des autres, alors que nous, Nous aussi, on a des paroles à dire. Voilà. D'accord. Justement, on va passer le micro. Mais ça m'étonnerait parce que la dernière fois que je suis venu ici pour avoir le micro en main, ah ouais, c'était vraiment la guerre des mondes, quoi. Voilà, Dieu merci, je l'ai eu en main propre. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Parce que voilà. Non, je suis vraiment pas là pour vous faire chier ou pour vous emmerder. Moi, je suis là. D'accord, d'accord. Ok. Parlons peu, parlons bien. Vive la France, vive la République. Et vive les gens bien. Pourquoi vive les gens bien? Parce que on est tous des gens bien, on est nés bien. Et voilà. Merci, bisous, bisous, bisous. Merci beaucoup pour ces paroles positives. Non, merci. Ok, merci. Donc, du coup, on va passer aux dernières questions simplement. Est-ce que le prochain intervenant, Nils, est là? Super. Donc voilà, le temps que Nils nous rejoigne, s'installe, etc., on va prendre les dernières questions et puis Gérard va conclure sur ce sujet. Est-ce qu'il y aurait des questions pour clôturer le... Bonjour. Je n'ai pas été là dès le départ, donc je n'ai pas exactement suivi le sujet, mais si j'ai bien compris, par rapport à la monnaie et la politique monétaire, je crois qu'il y a quelque chose qui nous échappe tous. C'est que il y a trois serpents en Europe, le Conseil européen, le Parlement et la Commission, qui imposent leurs lois parce que la grande majorité du temps, ils sont dirigés par des technocrates qu'on ne connaît pas et qui n'ont pas été, comment dirais-je, élus démocratiquement, seulement choisis, imposés par le gouvernement. Et ils font ce qu'ils veulent, ils arrangent ce qu'ils veulent, et ça, je crois que c'est un gros problème. Tant que les choses ne seront pas claires, désignées, lisibles et visibles, et on ne sait pas qui fait quoi, mais je crois qu'on peut toujours ramer par rapport à la monnaie. Voilà, on va conclure avec cette dernière proposition, présentation. Bon, effectivement, oui, effectivement, les trois organismes qui dirigent l'Europe ne sont pas élus, prennent des décisions de manière opaque. Donc, on n'a pas tellement de solutions pour se sortir de ça. Il y a des solutions. Après, au niveau monétaire, là, tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire que la monnaie est distribuée pas par nous, mais par un centre précis qui achète tout ce qu'il veut. Le problème, c'est que nous avons des solutions. Alors, il y a des solutions institutionnelles. On n'a pas eu tellement le temps d'en parler. Il y a des gens en ce moment qui travaillent auprès de la Banque Centrale Européenne pour que précisément une partie de la monnaie ou toute la monnaie soit distribuée à égalité entre tous les citoyens européens. C'est une proposition et en même temps du côté des banquiers c'est un peu qu'ils n'ont pas le choix parce que s'il n'y a plus de monnaie dans l'économie on n'arrive pas à sortir de la crise. Donc ils sont un petit peu obligés de remettre de la monnaie dans l'économie. Donc nous derrière on dit pourquoi pas en donner la même part à tout le monde. C'est une bonne solution. Et surtout, ce qui est important à comprendre c'est que c'est à nous de se sortir de là. Les solutions, s'il y en a, elles ne seront appliquées ou elles ne seront adoptées uniquement parce que nous les aurons adoptées ou nous les aurons appliquées. En particulier, il y a des tas de solutions au niveau local, au niveau citoyen, qui permettent par exemple de créer des monnaies locales. Pourquoi pas? Bon, ça sert à rien parce qu'il faut les acheter avec des euros, mais ça permet de réveiller un petit peu les gens qui prennent conscience qu'on peut reprendre ça en main. On peut créer des systèmes d'échange locaux, il y en a déjà des dizaines et des dizaines en France. Il y a des nouveaux systèmes informatiques qui vont, dans les mois qui viennent, nous permettre d'avoir des petites applications sur nos smartphones pour noter nos transactions individuelles et nos transactions réciproques. Donc tout ce travail-là, il est en train de se faire. Donc, si vous voulez m'acheter mon petit bouquin, vous venez me prendre un petit tract et vous aurez les coordonnées dessus. Et si vous voulez faire quelque chose, je conclue en disant ce que je dis à la fin de toutes les conférences que je fais. Choisissez quelque chose qui correspond à ce que vous aimez faire. Allez faire du lobbying à Bruxelles ou créer une monnaie locale dans votre village. Faites ce que vous voulez. Faites quelque chose qui vous plaît, que vous sentez vraiment pour vous. Parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça sera toujours meilleur que ce que nous avons en ce moment. Voilà, je vous remercie. Alors moi, je veux simplement répondre qu'on doit laisser à ceux qui doivent produire et faire de l'argent le soin de le faire, mais surveiller les abus, car le grand problème, c'est les abus qu'il y a en France. C'est l'éternel recommencement, vous n'avez qu'à reprendre l'histoire. Hein. C'est sans arrêt pareil. Il y a des gens qui sont faits pour produire, il y a des gens qui sont faits pour travailler, il y a des gens... Et c'est eux qui font leur choix quand ils vont se présenter quelque part, et il faut leur donner l'accès. Et je pense qu'à partir du moment où il y aura... ces contrôles, il y aura une égalité qui se fera d'elle-même. Merci beaucoup pour vos interventions. On va passer à la prochaine intervention avec plein de motivation, de bonne humeur, de sourire sur les visages. Avec Nils. Voilà, soyons motivés, qui va nous parler de politique possible. Entre-temps, je vous invite à plusieurs choses. Déjà, à retrouver les enregistrements sur la page Facebook Debout Éducation Populaire ou sur notre site. Deuxième chose, si vous avez des sujets d'intervention à proposer, on est là la semaine prochaine, voilà, que ce soit des interventions pratiques, théoriques, un récit d'expérience, un projet, etc. Et si vous êtes motivé, disponible à nous filer un coup de main pour l'organisation, c'est avec plaisir aussi, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, donc je laisse la parole à Nils sous ces conditions climatiques un peu compliquées. Ouais, ben, on va pouvoir se mettre sous les bâches après ou pas ? Celles qui sont là, je demande. Non, bon, peut-être pas.